dans ce tempo qui agite tes gueules. La vie m'entraîne à boire plus qu'il le faut. Je déambule au niveau carnivore. Oh, oh, oh, oh. Je me dis qu'à chacun sa couleur de peau et que le blues va pas tous les morts. Johnny, dis-moi pourquoi tant de feeling dans ta voix. Et malgré nos différences, je ressens ça comme toi. Johnny, dis-moi pourquoi tant de feeling dans ta voix. Et malgré nos différences, je suis comme toi. Comme ces rochers qui émergent de l'eau et qui éventrent la coque des bateaux. Ta voix déchire mon cœur en lambeaux. Oh, oh, oh. Sans un mot. Oh.